que toute chair bénisse son Saint-Nom. Parole céleste. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je te chanterai un cantique nouveau. Écoute ma prière car je crie à toi tous les jours. Chantez! À la voix de mes supplications, parole céleste, parole vivante. Conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Souviens-toi de moi selon ta bonté. En toi mon cœur se confie et je suis secouru. Chantez! Conduis-moi Seigneur dans ta vérité. Explique-moi quand tu es le Dieu de mon salut. Souviens-toi de moi selon ta bonté. En toi mon cœur se confie et je suis secouru. Prête l'oreille. Prête l'oreille à ma voix quand je t'ai. Entends ma voix. Dansez, dansez, dansez pour Jésus. Éternel, écoute ma prière. Écoute ma prière. Éternel, entends la voix de mes larmes. Écoute ma prière. Je crie jour et nuit devant toi. Yeah.